La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de baseball et ça me fait très plaisir d'accueillir pour une autre fois. On ne l'avait pas fait l'an passé parce qu'il n'y avait pas vraiment de baseball mineur, mais M. Jacques Lanceau qui lui se spécialise dans les... À couvrir les Québécois qui évoluent soit dans la NCAA ou encore dans le baseball professionnel, que ce soit dans la Ligue majeure ou le baseball affilié. Bonjour, M. Lanceau. Bonjour, ça va bien, Danny? Ça va bien. Encore une fois, très heureux d'écrire. C'est une chronique une fois par mois que j'aime faire. J'aime toujours ça parler de baseball et surtout de baseball des Ligues mineures et encore des Québécois. On va parler d'abord de Vladimir Guerrero. Lui est en feu. Il est en feu. Il y a eu un passage à vide au cours des dernières semaines, par exemple? Au cours des derniers jours, ça a été un petit peu plus tranquille, mais malgré tout, là, il frappe encore au-dessus de 300, puis hier soir, il a été brillant là, de tous ses feux avec son 9e coup de circuit. Ouais. Je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, dans une de vos chroniques, j'avais dit qu'un jour, Vladimir Guerrero serait le meilleur frappeur du baseball majeur. J'avais essuyé pas mal de critiques à ce moment-là, mais il s'en va un peu dans cette direction-là. Il y a 22 ans, là, faut pas oublier ça. Oui, mais il fallait qu'il maigrisse, puis il y avait des choses, probablement que le fait de l'avoir au troisième but, je pense que ça l'a fouetté à partir de deux choses. À partir de quand les Jays ont enlevé du troisième but et aussi quand il a vu Fernando Tatis. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Tatis et lui, il y a quelques années, c'était les deux joueurs. Hein. Oui, c'était les deux prospects de premier plan. Mais Guerrero, c'est un tout nouveau joueur cette année. Il a joué tous les matchs des Blue Jays, contrairement à l'année passée où il était souvent relégué sur le banc. Il a joué... Deux manches au troisième but seulement, toutes les autres parties au premier but. Il n'y a aucune erreur en défensive. Il joue bien défensivement. J'écoutais Mark Griffin dans un podcast qui disait que c'est un bon joueur, un excellent joueur de premier but aussi. Là. Il n'y a aucune erreur au premier but. Il a participé à 29 doubles jeux. Et honnêtement, là, c'est toute une façon pour lui. Moi, je pense que... Il devrait devenir un des meilleurs frappeurs du baseball majeur. Peut-être pas le meilleur, mais il va être un très bon frappeur. Très, très sensor. Il est en train d'arriver à ce qu'il était devenu. Puis finalement, il a pris un petit peu plus de temps que Fernando Tatis, mais regarde. Puis Tatis, quand cette année, c'est bon, mais c'est moins fort que l'année passée. Là. Mais j'ai pas vu qu'il y avait la COVID. Il y a eu la COVID, mais avant la saison, il y a eu. C'est encore très, très bon, là, mais c'était un petit peu moins dominant que l'an passé. Ouais, effectivement. On va y aller avec deux Québécois qui évoluent dans le 3, Abraham Thoreau et également Charles Leblanc. Abraham Thoreau, est-ce que je me trompe en disant que peut-être qu'il est plafonné ou encore lui un changement d'organisation? Parce qu'il y a eu son frère Douglas qui a fait une sortie il y a quelques temps qui disait que les Astros le développaient mal. Puis je pense qu'un changement d'organisation lui ferait du bien. Est-ce que je me trompe? Ben pour le moment, il est blessé. Oui. Il n'a pas commencé sa saison dans le 3A. Puis, c'est souvent le cas. Le joueur qui est retranché au camp d'entraînement, c'est difficile de partir la saison dans les mineurs, surtout cette année où il y a eu un délai d'un mois entre les deux. Là. Je sais pas. C'est sûr que, d'après moi, il a sa place dans les ligues majeures, peut-être pas comme régulier, non. Mais il a sa place parce qu'il y a du talent à revendre. Mais il n'y a pas de place chez lui avec les Astros de Houston. Et peut-être qu'un échange, ce serait ça qui serait le mieux. OK. Charles Leblanc, lui, il a eu des matchs. Des fois, il joue pas. Des fois, il joue. Il y a eu un match cette semaine qui a marqué 2 points, 3 points. J'ai vu dans une de vos chroniques. C'est ça, il a marqué deux fois. Il a commencé en Lyon, sa première présence au bâton dans le 3A, il a frappé un circuit, mais par la suite, ça s'est calmé un peu. C'est toujours un peu le même problème. Actuellement, il évolue au troisième but. Ils l'ont transféré au deuxième but pour un match. On dirait que c'est la position en défensive qui accroche. Mais il frappe actuellement au huitième puis neuvième rang de son équipe. Fait que c'est sûr que ça lui donne moins de présence au bâton que les autres. Ouais. Il y a un gars, un Québécois hier que je commence à suivre, qu'on entend parler. On va peut-être essayer de le rejoindre prochainement. C'est Otto Lopez, qui est dans la filiale 2A des Jays, des Fisher Cats de New Hampshire. Lui, il est en train de faire sa marque, là, parce que. C'est tout un joueur, tout Ouais. un joueur. Il a toutes les capacités, il a un coup de bâton, de beaucoup de consistance. Ça veut dire, il frappe des coups sûrs à répétition, il frappe avec puissance, il est rapide. En défensive, ils font jouer au deuxième but, au troisième but, à l'arrêt court, au champ ensemble. C'est vraiment un des bons joueurs de l'organisation des Blue Jays. Depuis le début de la saison, il n'y a pas trop était éclatant. Il allait avec un coup sûr, un but sur balle, un peu produit à chaque match, mais hier, il a éclaté. Hier, là, 4 en 4, ben, deux doubles en plus. C'est sûr que pour frapper des doubles, c'est un très bon joueur parce qu'il est très rapide, donc il va souvent étirer son simple en double. En tout cas, hier soir, il a vraiment, vraiment très bien joué. Il frappe pour une très bonne moyenne de 349. Il ne faut pas oublier ce gars-là en 2019. Dans le niveau A faible, il a remporté le championnat des frappeurs dans la Ligue du Midwest. C'est quand même pas à peu près, là. Puis il a connu un camp d'entraînement fantastique avec les Blue Jays. Un joueur qui ne devrait pas normalement passer du A faible au camp à la Ligue des Pamplemousses. Il l'a fait cette année. Il a tiré son épingle du jeu parfaitement. Oui, effectivement. Puis lui, il est en train de. Tu sais, le fait qu'on l'a muté. Il a pas joué au champ gauche aussi un match. Oui, il a joué au champ gauche un match Oui, aussi. c'est ça. Donc, lui, le fait qu'il devient ce joueur de position, puisqu'un genre de Brock Holt à peu près, là, lui, ça va lui ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. Parce que, je pense, à mon avis. C'est quand même un gars qui a une histoire incroyable. Oui. C'est un gars qui est né en République dominicaine. Ses parents sont arrivés ici quand il était jeune à Montréal. Il est reparti à l'âge de, après avoir joué pour l'équipe du Québec au championnat canadien, il est reparti pour la République dominicaine dans le but d'être signé parce qu'il n'a pas besoin d'être repêché. Les Blue Jays l'ont signé alors qu'il avait 16 ans. Il a passé une saison en République dominicaine. Puis après ça, il est arrivé dans les ligues mineures. Puis, il est fulgurant, sa montée est fulgurante, là. C'est Okay. vraiment quelqu'un qui parle français comme vous et moi, là. Ah ouais, j'ai déjà c'est v'là 2 ans que je lui avais parlé, j'avais fait une entrevue avec, puis il parlait très très bien français, donc c'est non, c'est et puis les Jays semblent avoir vraiment une bonne les Jays semblent vraiment avoir une bonne estime de lui, parce que Pierre Arsenault me parlait que l'an dernier, Pierre Arsenault qui était dépisteur pour les Marlins de Floride encore l'an dernier, me Oui. parlait de que les Jays et les Marlins ont parlé de transactions au mois de juillet l'an passé. Et les Jays étaient intéressés à un joueur des Marlins, un joueur pour vraiment les aider en course au championnat. Et le joueur qu'on voulait du côté des Marlins, c'était Otto Lopez, et les Jays ont reculé. Donc ça me donne une idée comment qu'Otto Lopez est quand même, je pense, bien perçu par l'organisation des Blue Jays. Ben, pour lui avoir donné la chance qu'ils lui ont donnée dans la Ligue des Pamplemousses, il faut qu'il le respecte énormément. OK. Les autres maintenant. Ben, il faut pas, il faut, c'est sûr qu'il faut parler d'Édouard Julien. Oui, il faut Édouard bien que. Julien, Lui, t'as que l'organisation des Twins du Minnesota, je pense, hein? c'est ça, c'est ça. C'est quelque chose d'impressionnant, son début de carrière chez les professionnels. Faut pas oublier que Julien il a été chanceux un peu. La pandémie, contrairement aux autres joueurs, lui, ça lui a aidé. Ouais. Juste après avoir signé son contrat avec les Twins du Minnesota, il s'est blessé gravement avec l'équipe nationale du Canada et il a subi une opération Tommy John. Il a été un an à pas jouer du tout, mais ça a tombé que c'était l'année de la COVID, donc ça lui a pas nui. Cette année, il est arrivé au camp d'entraînement dans une forme splendide. Il a déjà 9 matchs ou 10 matchs de jouer avec l'équipe A faible Ça, des c'est Twins du l'équivalent Minnesota. de quoi, là? Parce que là, cette année, il y a moins d'équipes. C'est l'équivalent des Canadiens de Vancouver, à peu près, ou... C'est un niveau plus haut que ça. OK. C'est Donc, Dunedin? ouais, c'est ça. OK. Il est, c'est un petit peu C'est parce qu'il y a tellement moins de joueurs que le calibre va remonter dans toutes les catégories. Mais à tous les matchs où il apparaît, il fait quelque chose. Avant hier, il est amené comme frappeur d'urgence en sixième manche. Il crée l'égalité. Il avait produit le point gagnant. Hier soir, il a volé le marbre. C'est quand même fantastique, là. OK. Il y a Benjamin Pelletier aussi, de ce que je peux voir dans vos posts, qui va assez bien, je pense, hein? Ouais, mais depuis trois parties, là, il s'est blessé il y a quatre matchs. Puis là, ça s'apparaît. Là. Premièrement, il a manqué un match. Hier, il était 0 en 5. On voit que probablement qu'il veut jouer, mais il doit avoir une blessure qui l'empêche de performer parfaitement. Puis ça, c'est peut-être pas la meilleure façon de jouer dans ce temps-là, parce que ça lui fait perdre des points. Mais c'est un gars qui est à sa cinquième saison dans le baseball. Ouais, lui, je pense que c'est une année critique cette année. Déjà avec il faut qu'il finisse dans le haut-fort. S'il finit pas la saison dans le haut-fort, ça va être difficile pour lui de continuer. Ben déjà, avec, je pense qu'avec les... on pourrait dire les coupures de joueurs cette année, beaucoup de joueurs qui ont perdu leur emploi là, ça pourrait être ce type de joueur-là. C'est ça. Il y a beaucoup de joueurs qui ont perdu leur emploi. Par contre, il n'y a pas eu de repêchage vraiment l'année passée, mais seulement 50. Donc, il y a quand même moins de joueurs qui est arrivé cette année. Donc, il n'y a pas eu encore beaucoup de pertes d'emploi. C'est cette année qu'on va voir comment ça va se débrouiller, tout ça. Mais c'est vraiment une drôle de façon. La première semaine, les équipes jouent sept matchs, un contre l'autre. Okay. Sept matchs, là, c'est beaucoup. Là. Il risque d'arriver des choses pas mal désagréables en cours de saison. C'est trop sept matchs de suite, compagnie. Donc, après, par la suite. Il y a aussi Francisco Hernandez, qui joue dans l'organisation des Cards de Saint-Louis. C'est un Québécois, il reste à Montréal. Mais il n'a pas joué souvent. Je pense qu'il a joué deux parties. Il est au même niveau que Benjamin Pelletier et Édouard Gillion. Okay. Donc, on en a neuf actuellement, incluant Vladimir Guerrero. On en a neuf qui sont dans le baseball mineur. OK. Donc, par la suite, dans la NCAA. Cette année, on avait une année record. On avait 17 Québécois qui jouaient en première division de la NCAA. C'est fantastique. Puis il devrait en avoir une vingtaine l'année prochaine parce qu'il y en a déjà plusieurs qui ont signé. Y a-t-il des universités quand même prestigieuses, des Québécois, tu sais? C'est sûr qu'on a le baseball. Moi, je comprends pas d'ailleurs quand je vois le football que c'est à la télévision, quand je vois le basketball qui est à la TV, puis le baseball que c'est pas populaire du tout. Je trouve ça bizarre. Mais regarde, y a-t-il des Québécois qui sont dans des bonnes. Tu sais, des équipes intéressantes là, qui sont dans le top 25, genre? Oui, il y en avait deux. Malheureusement, il y a Antoine Jean et Connor Angel. Antoine Jean avec l'Université de l'Alabama. Ouais. Puis l'autre avec l'Université de la Louisiane à Lafayette. Ouais. Connor Angel, malheureusement, on ne le voit plus lancer. Je ne sais pas s'il est blessé ou s'il n'apparaît même plus sur le roster de l'équipe. Antoine Jean, lui, est blessé. Okay. C'est dommage parce qu'il avait commencé sa saison en force. Puis là, on est obligé d'attendre pour voir. Puis lui, il attendait beaucoup là, du repêchage de cette saison. Fait que je ne sais pas ce qui va arriver avec lui. Mais on en a plusieurs autres qui ont bien joué. Là, ouais. Je pense à Anthony Quirion qui joue à Lamar. L'Université de Lamar au Texas. Lui, c'est sa dernière saison dans le baseball collégial. S'il n'est pas repêché, ou en tout cas, je ne sais pas quel choix il va faire, mais il pourrait se retrouver avec l'équipe du Québec qui va jouer dans la Ligue Frontier. C'est un joueur de troisième but et un receveur avec un très bon coup de bâton. Okay. Ceux qui ont brillé le plus dans la NCAA, c'est en Division 2. Ouais. On parle d'Alexandre Bédard, joueur de l'année dans sa conférence et athlète de l'année à son université pour la deuxième année de suite. Okay. C'est un joueur qui est très rapide, il a au-dessus de 30 buts volés, il frappe pour la puissance, il frappe avec régularité, il finit avec sa saison avec 398. Il est très très bon. L'autre, c'est Mathieu Deneau-Gauthier, c'est un lanceur, c'est le meilleur lanceur chez les Canadiens qui jouent dans les collèges américains. Il a 9 victoires, 3 défaites et quelque chose comme 90 retraits au bâton. Ces deux joueurs-là terminent cette année, c'est des seniors. Eux ont des très, très grandes chances de se retrouver avec l'équipe du Québec, qui est une combinaison des équipes des Aigles de Trois-Rivières et des Capitales de Québec. J'ai bien hâte de voir ça, cette équipe-là, évidemment, dans la Ligue Frontier. J'ai hâte de voir ça. Vous suivez ça un petit peu? Est-ce que ça vous dit? Oui, je le fais tous les jours. Je suis un peu surpris parce qu'on parlait d'équipe Québec. Puis là, je regardais les joueurs invités. Il y en a du Venezuela, il y a des Américains partout. J'ai un petit peu de la misère à comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est une nouveauté. Là. S'il n'y avait pas de pandémie, on aurait encore les Capitales puis les Aigles de Trois-Rivières. Mais là, on va y aller avec une équipe du Québec. Il y a 9 joueurs québécois qui sont au camp d'entraînement. J'espère qu'il y en a au moins 3-4 qui vont faire l'équipe. Là. Ça serait bien. Ben, je disais, je ne sais pas si c'est vous qui parlez au Journal de Québec, Pascal Abrini. Je vais essayer de le rejoindre cette semaine. D'ailleurs, il parlait qu'il y avait des chaudes luttes au camp d'entraînement. Donc, j'ai hâte de voir en tout cas. Jacques Lassieux, très très intéressant, on va s'en parler bientôt, fait que une fois par mois minimum, il faut parler un peu du baseball québécois un peu partout dans les ligues professionnelles. Ça va me faire plaisir. Jacques Lassieux de jacqueslassieux.com, que vous pouvez suivre tous ses billets sur le baseball, les joueurs de baseball qui évoluent un peu partout dans le baseball professionnel et également dans la NCAA.